just calls for a celebration. Come on, let's shake this town up tonight. Now hold on here just a minute. He's got to try to the tenth of a thousandth of an inch. The exchange sent to one Charmeur, acteur, menteur, manipulateur. Bluffeur, frimeur, coureur, grand bourreau des cœurs. Malfaiteur, enchanteur, tombeur et collectionneur. À contre-cœur, arnaqueur, beau parleur et flambeur. We know you'll enjoy the talents of Eddie Crane. On est voleur de cœur, le gentleman cambrioleur. On s'habille surtout la nuit, on fait la fête à l'ennui. On est les dealers des cœurs. Voyeurs, squatteurs, chasseurs, falsificateurs, bandits et des fermes, racoleurs et leurs sourires ravageurs, rimeurs, conteurs, hackers, belles usurpateurs, joueurs, danseurs, jongleurs en apesanteur. Voyageur, monnayeur, leader, de vrais séducteurs. Rêveur, senteur, dealer, de vos tout petits cœurs. Judger, acheteur, tricheur, fais gaffe à ta sœur. Lover, voleur, tricheur, ça sera bientôt ton heure. On est voleurs de cœur, les gentlemen cambrioleurs.